Bonjour, alors aujourd'hui du coup je suis avec Jessica Louiset, donc qui fait beaucoup de choses, qui est à la fois un peu cinéaste, productrice, scénariste. Et alors aujourd'hui on est avec toi pour nous parler un peu du projet de Black Woman Productions. Et alors est-ce que tu peux un peu nous dire comment est née un peu cette idée et qu'est-ce que c'est ? L'idée est née il y a plusieurs années, en fait il y a 10 ans cette année, pour être exact, en 2005. Mon but était de combler un besoin qui était, lorsque je regardais les séries télé et cinéma au Québec, je trouvais que la diversité était très peu ou moindre au niveau de la représentation. Et je voulais en fait changer les choses. C'est mon côté utopique de jeunesse. Je voulais changer les choses. Donc, à partir de cette idée-là, j'ai créé ma maison de production, Black Woman Production, et qui était dans le but de combler en fait ce besoin. Donc, notre mission était d'intégrer la diversité culturelle dans le milieu du cinéma et de la télévision au Québec. Donc, j'ai fait plusieurs projets. J'ai réalisé beaucoup de choses, produit et réalisé en fait, beaucoup de choses, écrit en plus, mais surtout produit et réalisé. J'ai fait plusieurs festivals, j'ai gagné quelques prix. Et comment on monte une maison de production? Parce que comme ça a l'air facile, mais je veux dire, ça, c'est plutôt assez difficile, non? Il faut des moyens, comment ça se passe? Pour créer une maison de production, en fait, il faut juste de la détermination et une bonne idée. À partir de ça, c'est le deuxième volet, à savoir nos créations. Moi, j'ai créé ma maison de production au point de départ parce que lorsque je proposais des projets à d'autres producteurs, les gens me disaient soit t'as pas d'expérience ou t'as pas assez d'expérience ou ça va être difficile de placer ce que tu nous proposes, etc. Il y avait toujours des millions de raisons. Et puis, si j'avais continué à attendre, j'aurais absolument jamais rien fait. Donc, l'idée de base, ça a été vraiment à partir de ça, à partir des millions de refus. Et c'est ce qui est OK. Parce que faut apprendre dans le milieu si on a envie de devenir un artiste, c'est de pas s'attarder à un non. Il y a des millions de personnes qui vont dire non comme tout le long de notre vie. Ça va pas s'arrêter là, ça va pas s'arrêter demain. Donc si ce projet-là a le succès que j'espère, je suis sûre que à travers le chemin, il va encore avoir des gens qui vont douter, qui vont me dire non, qui vont essayer de me retarder dans mes étapes, mais sauf que ça me dérange pas, dans l'idée que je crois sincèrement que ce projet-là est un besoin réel et nécessaire au Québec, qui est très difficilement comblé par toutes les autres possibilités qui s'offrent autour de nous, autant des programmes, autant d'autres maisons de production, autant au niveau des diffuseurs, des producteurs, bon, autant au niveau de la structure culturelle du Québec. Donc, à partir de ça, j'ai juste décidé de le faire, donc... Et comment ça va marcher après? Parce que j'ai vu qu'il y avait par exemple des idées un peu d'appel à projet, rechercher des nouveaux talents. C'est ça, c'est vraiment l'idée de donner un tremplin à des personnes qui sinon se seraient dit peut-être que ça va pas marcher. Et là justement on dit si tu peux le faire parce que voilà, il y a cette maison de production-là qui est là. Avec l'appel de projet, mon idée, en fait, c'est de recevoir des productions qui sont déjà créées dans le but d'être diffusées sur la plateforme, des productions qui respectent, en fait, les différents critères, qui sont, en fait, l'intégration sans stéréotype des diversités culturelles en premier et en deuxième rôle, et d'avoir un minimum de 15% total de la distribution qui soit à caractère multiethnique. Notre but, en fait, c'est de s'éloigner de la structure dans laquelle le métier nous propose présentement de tenir des rôles et de se réinventer, de donner quelque chose de différent. Et est-ce que toi, par exemple, dans cette idée un peu de... Parce que le nom, donc c'est quand même Black Woman, est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit un peu, ça peut être une démarche, par exemple, pour... je sais pas, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui serait destiné un peu dans le côté féministe, un peu, ou destiné aux femmes, avant tout, ou pas, ou c'est pas du tout... Je suis très féministe, donc effectivement, le nom a été pensé en dans cette idée. Je crois que la place aux femmes dans le monde entier est importante d'être récompensée, d'être soulignée. Je crois que l'apport des femmes en général dans le milieu du travail, notamment dans le milieu artistique, est des fois pas assez reconnue aussi bien qu'elle le devrait. Et donc, oui, Black Woman Productions, à titre de féministe, de fière féministe, c'est une compagnie qui a été créée par une femme noire. C'est une compagnie de production qui a été créée par une diversité dans le but d'intégrer d'autres diversités au Québec. Et alors, est-ce que toi, par exemple, quels sont un peu les thèmes qui t'intéressent particulièrement en tant que réalisatrice? Parce que j'ai vu que tu avais fait plusieurs choses déjà, donc dis-moi un peu les thèmes qui t'intéressent avant tout. J'aime beaucoup de choses. J'aime énormément beaucoup de choses. Comme mon top 3 de réalisateurs préférés, c'est François Girard, c'est David Lynch et Roman Polanski. Donc, ça vous donne un peu une idée. Ensuite, il y a Christopher Nolan, bien entendu. Donc, la plupart de mes films sont un mélange d'un peu tout ça. J'ai fait, au début de ma carrière, une première série sur la maladie mentale. Cette série-là m'a rapporté plusieurs prix. J'ai fait des festivals. Dont les rendez-vous de cinéma québécois, un événement dans le Festival du Nouveau Cinéma, un autre événement au rendez-vous, sinon Fantasia. J'ai beaucoup fait d'autres festivals, mais le Festival du film La Relève, bon, il y a des choses qui me sortent de la tête, je suis vraiment désolée. Mais bref, mes films, cette série-là s'est promenée énormément en festival. Ah, donc ma première série, c'était vraiment sur la maladie mentale parce que, encore là, je trouvais que c'était un sujet tabou, un peu comme les diversités, mais dans un autre sens, qui n'était pas nécessairement exploité, nécessairement de la bonne façon ou de la meilleure des façons pour trouver l'intérêt et non de voir la maladie mentale à titre de victime. Au niveau de la thématique, donc au niveau des personnes qui en souffrent. Donc, je voulais essayer de la porter d'un point de vue un petit peu plus empathique et explicatif par rapport à ça. Puis, un peu plus loin dans ma carrière, j'ai fait un petit peu de choses à caractère imposé. Disons, on avait des thèmes à respecter, des thèmes de festival. Donc, j'ai fait un truc sur la fin du monde parce que techniquement, en 2012, on devait tous mourir. Donc, j'ai fait un film avec Caroline Davernas et Sébastien Huberdeau sur ce sujet. Et j'ai fait un autre film un peu plus loin sur une autre thématique dans le cadre des rendez-vous. Je fais beaucoup de projets avec Maxime Morin qui a gagné un prix à Fantasia pour meilleure actrice pour l'un de mes projets. Moi, j'ai gagné pour ce même film-là un prix dans les rendez-vous du cinéma québécois durant la cérémonie des prix Prends Secours. Donc voilà, je fais un peu de tout. Et alors, si je te demande, dans l'idéal, comment est-ce que tu verrais Black Woman Productions, par exemple, dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est loin. OK, Utopie. On va y aller avec Utopie 101. Idéalement, ma plateforme est upgradée. J'ai l'opportunité d'avoir plus de 50% du matériel que j'ai à l'intérieur de ma plateforme, qui est autant en français qu'en anglais et sous-titré. J'ai énormément de projets qui respectent les critères de ma plateforme, qui sont présentement en ligne, mais ils sont en anglais. J'espère à long terme pouvoir avoir une production plus importante de production en français, qui respecte mes critères d'intégration équitable, et des projets avec des sous-titres, parce que moi, la diversité, c'est autant une diversité de couleurs ou de langues. Donc, il y a aucune limite pour moi. J'aimerais pouvoir avoir un point de service où est-ce que je pourrais avoir plus d'employés, moins de stagiaires, plus d'employés réguliers et contribuer à moyen et long terme à l'économie québécoise et un nouveau vent, un nouveau changement pour que on voit que la diversité culturelle au Québec elle a énormément de talent. On est éduqué, on travaille, on fait les formations qui nous sont demandées, on suit les procédures qui nous sont imposées et dans l'idée qu'on va pouvoir travailler. Et je sais que c'est difficile pour tout le monde choisir d'être un artiste, c'est jamais facile. On sait dans quoi on s'embarque dès le départ, donc on y va et on le fait. C'est notre décision, on doit l'assumer. Mais à partir qu'on a assumé notre décision, à partir qu'on fait toutes les choses qui sont adéquates, qui nous sont demandées, on aimerait à partir de ça peut-être espérer avoir une plus grande chance de manière équitable comparée à tous pour démontrer que nous aussi, on a du talent. Donc, si notre plateforme, c'est juste là pour démontrer à tout le monde, à tout le domaine que les diversités culturelles ont du talent, ont de la formation, ils sont capables d'apprendre des textes à la dernière minute, on est capable de rendre ce qui nous est demandé, on est capable de faire les choses en temps, en heure, on arrive à l'heure, on est capable. Donc, c'est juste pour ça, pour démontrer à ça, pour que les distributeurs, que les producteurs, que les réalisateurs dans le format un petit peu plus régulier, soit à la télévision, au cinéma, aient envie de nous engager, bien, au moins, on aura servi à ça, à développer l'employabilité des artistes issus de la diversité au Québec. En tout cas, eh bien, merci Jessica Louisée pour toutes ces explications. En tout cas, merci. Merci beaucoup à vous.